الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه آمين. On continue traduction du livre تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. La semaine dernière on avait vu combien de hadiths? 4. Le hadith 102, 103, 104 et 105. Qui nous récite le hadith d'Abdullah ibn بحينا تفضل في الركعتين الأوليين نعم ولم ولم ولم يجلس ولم يجلس نعم فقام الناس معه إذا قضى الصلاة ونظر وانتظر وانتظر وانتظر الناس تسليمه كبر كبر كبر وهو جالس نعم وسجد سجدتين قبل أن يسلم قبل أن يسلم ثم ثم سلم أحسنت بارك الله فيك رواه البخاري ومسلم الحديث لأبي جهيم كينو لغسيت تفضل أن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلأي لو يعلم المار بين يديه بين يدي من المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا من أن نسيت من أن يمر بين يدي المصلي طيب الحديث دو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كي لا بخي بخسن نعم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره على الناس نعم من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان طيب إلى حديث عبد الله بن عباس قبلت راكبا على حمار أتان أحفو أبو بكر تحسن نبخي خير إن شاء الله الحديث السادس بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح رواه البخاري ومسلم الحديث 106 سن عائشة رضي الله عنها الجي Je dormais devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et mes pieds étaient en direction de sa qibla. Et lorsqu'il se prosternait, il me touchait, puis je faqabadtu rijlay, puis je rassemblais mes pieds. Et lorsqu'il se levait, je les étirais. Et les maisons à cette époque n'avaient pas de lampe. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. المعنى الإجمالي كانت عائشة رضي الله عنها إذا أورد عليها حديث قطع الصلاة إذا أورد عليها حديث قطع الصلاة بالحمار والكلب والمرأة تنكر عليهم وتقول كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولضيق بيوتنا تكون رجلاي في قبلته فما دام واقفا يتهجد بسطتهما فإذا سجد غمزني فقبضتهما ليسجد ولو كنت أراه إذا سجد لقبضتهما بلا غمز منه ولكن ليس في بيوتنا مصابيح فكيف تقرنوننا معشر النساء مع الحمير والكلاب في قطع الصلاة وهذه قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم. Le sens général du hadith. Aïcha radiallahu anha, lorsqu'on lui rapportait le hadith de la coupure de la prière, lorsque passe devant le prieur l'âne ou le chien ou la femme, elle répondait en disant « Je dormais devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam ». Et parce que les maisons étaient étroites, mes pieds étaient devant sa qibla. Et tant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était debout en train de prier, j'allongeais mes pieds. Et lorsqu'il se prosternait, il me touchait et je rassemblais alors mes pieds pour qu'il puisse se prosterner. Et si je le voyais, lorsqu'il se prosternait, j'aurais rassemblé mes pieds sans qu'il n'ait besoin de me toucher. Mais il n'y avait pas dans nos maisons de lampe. Comment est-ce que vous nous comparez, nous les femmes, avec les ânes et les chiens, dans la coupure de la prière, alors que ceci est mon histoire avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est clair? Ma yukhadhu min al-hadith. Awalan, jawazu i'tiradin na'imi bayna yaday al-musalli idha kana bihajatin kadhiqi al-makan. Premièrement, on déduit l'autorisation pour celui qui dort de s'allonger devant celui qui prie lorsqu'il y a dans cela un besoin, comme dans un endroit étroit. Thaniyan, inna i'tirad al-mar'ati amam al-musalli la yaqta'u as-salah wa la yanqusuha. Deuxièmement, la femme qui s'allonge devant le prieur, ceci ne coupe pas la prière ni ne la diminue. Thalithan, inna massa al-mar'ati walau bila ha'il la yanqudu al-wudu. Lian an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaghmisuha bi-dhalam, fala ya'lam ayamassuha min wara'i ha'il am la. ولا يعرض صلاته للإبطال لو كان مسها بلا حائل ينقض الوضوء ولكن قيده العلماء بأن لا يكون لشهوة. Troisièmement, on retient de ce hadith que de toucher une femme, même sans obstacle, n'annule pas les ablutions. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam touchait Aïcha radiallahu anha en voyant ou en ne voyant pas? En ne voyant pas, dans la nuit, dans le noir. Il ne savait donc pas s'il allait toucher Aïcha radiallahu anha à travers un obstacle ou non. Et quand on dit obstacle, ici on parle de vêtements, entre autres. Ça peut être un vêtement, ça peut être une couverture, quelque chose qui vient s'interposer entre la peau et la main de celui qui touche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas exposé sa prière à l'annulation si le fait de toucher une femme sans obstacle annulait la prière. Si le fait de toucher une femme sans obstacle annule la prière, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pris le risque de toucher Aïcha dans le noir? Non. Mais les savants ont restreint cela lorsque le toucher est fait accompagné de plaisir. Accompagné de plaisir. Et concernant ce sujet, on va lire la parole de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, concernant le fait de toucher une femme avec plaisir. Et bien sûr, quand on parle de femme, on parle de son épouse. Quand tu as touché une autre femme, cela est interdit. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dit dans Al-Sharh Al-Mumti'a, je vais vous résumer parce que la parole de Cheikh est longue. Premièrement, et c'est le madhab de l'imam Ahmed, que de toucher la femme avec plaisir annule les ablutions. Et ils ont pour preuve la parole d'Allah Azza wa Jal, أَوْلَامَسْتُمُ النِّسَاءُ en surat Al-Ma'ida, ou si vous touchez les femmes. Ainsi, celui qui touche la femme, eh bien, ses ablutions sont annulées. Le deuxième avis est que de toucher la femme annule les ablutions que tu la touches avec plaisir ou sans plaisir. Et ils ont pour preuve également le verset où Allah Azza wa Jalla dit Aula mastumunisa, ou si vous touchez les femmes. Et ils répondent au hadith de Aisha radiallahu anha, que l'on est en train d'expliquer actuellement, en disant, car cela leur a été dit, mais qu'est-ce que vous dites du hadith de Aisha où le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a touché et il continuait sa prière? Et ils ont répondu à cela qu'il est possible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ait touché avec son ongle. Et de la toucher avec son ongle, l'ongle serait considéré comme un obstacle. Et comme cela est possible, alors le hadith dans lequel il y a plusieurs spéculations, alors le hadith n'a pas de preuve. Al-hadith où idha talaqahu l'ihtimal, saqata bihi l'istidlal. Un hadith, lorsque on peut le comprendre de plusieurs façons, et qu'il peut y avoir plusieurs situations, alors on ne peut pas le prendre pour preuve sur une situation bien précise. Et Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, dit « وَفِي هَدَ الْجَوَابِ نَظَرْ وَهَدَ لَيْسَ بِصَرِيحِ » Il y a dans cette réponse des questions où il y a des remarques et cela n'est pas clair. Et le troisième avis qui est que le والقول الثالث أنه لا ينقض مس المرأة مطلقا ولو نعم que de toucher la femme n'annule pas les ablutions, que ce soit avec plaisir ou sans plaisir. Et la preuve est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait certaines de ses femmes, et c'est le hadith de Aisha radiallahu anha, puis sortait à la prière sans faire ses ablutions. Et celle qui rapporte le hadith est la nièce de Aïcha radiallahu anha, Urwa bin Zubayr, haddathat bihi ibn ukhtiha. Naam, elle en a parlé à son cousin Urwa bin Zubayr et lui a dit: et je pense que cette femme n'est autre que toi. Et elle s'est mise à rigoler, Aïcha radiallahu anha, à savoir que c'était elle qui était concernée. Et ce hadith est authentique et il a, et c'est une preuve claire. Deuxièmement, parmi les preuves de ceux qui disent que de toucher la femme avec ou sans plaisir n'annule pas les ablutions, qu'il n'y a pas de preuve claire à ce sujet. Et ils ont répondu au verset où Allah Azza wa Jalla a dit « Aula mastumun nisa » qu'ici il s'agissait de du rapport charnel, et Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, explique cela dans les détails. Mais les savants du tafsir ont clairement dit que Aula mastumun nisa, lorsque vous touchez aux femmes dans ce verset, il s'agit de du rapport charnel. Ayja ma'atum. Et Cheikh Al-Uthaymeen conclut en disant farrajihu أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا إلا إذا خرج منه شيء فيكون النقض بذلك الخارج. Cheikh Al-Uthaymeen رحمه الله dit: et l'avis le plus fort est que de toucher la femme n'annule pas les ablutions, que tu la touches avec plaisir ou sans plaisir, sauf si il sort quelque chose, c'est-à-dire de l'homme ou de la femme d'ailleurs, ainsi les ablutions seront annulées à cause de cette chose qui est sortie et non pas parce qu'il a touché sa femme. C'est clair? طيب. Rabi'an, قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله: رابعا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهله عليه من ضيق الحياة رغبة فيما عند الله وزهدا في هذه الحياة الفانية. Quatrièmement, on retient de ce hadith du prophète صلى الله عليه وسلم la situation dans laquelle était le prophète صلى الله عليه وسلم et sa famille. Ils avaient des difficultés dans cette vie, et ceci en espérant ce qu'il y a auprès d'Allah. Il faisait donc preuve d'ascétisme dans cette vie d'ici-bas éphémère. Savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait, ou sa chambre dans laquelle il dormait avec Aïcha radiallahu anha était tellement étroite qu'il ne pouvait pas prier sans qu'elle ne rassemble ses pieds. C'était tellement étroit que le professeur Hassan ne pouvait prier sans demander à Aïcha radiallahu anha d'enlever ses pieds. Et imaginez la taille de la chambre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'élu d'Allah, la meilleure des créatures qui vivait dans une situation comme celle-ci. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela n'avait aucune influence sur lui, car il ne donnait pas d'importance à cette vie d'ici-bas. Khamisan, jawazu mithli hadhihi al-haraka fi as-salah wa annaha la takhillu biha. Cinquièmement, l'autorisation de faire de tels mouvements dans la prière, et que ces mouvements ne portent pas atteinte à celle-ci. De quel mouvement il parle? De toucher les pieds de Aïcha radiallahu anha, qui sont des actes qui ne font pas partie de la prière, mais qui sont faits pour le bien de celle-ci. Pour le bien de celle-ci. اختلاف العلماء. اختلاف العلماء في المرأة والحمار والكلب الأسود أتقطع الصلاة أم لا؟ فذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم القطع وتأول حديث أبي ذر الذي في الصحيح مسلم يقطع صلاة الرجل المسلم. إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. تأول القطع هنا بمعنى نقص الصلاة بما يشغل القلب بهذه الأشياء. أما الإمام أحمد فعنه روايتان، والمشهور من مذهبه أنه لا يقطع إلا الكلب الأسود البهيم، وقال في قلبي شيء من المرأة والحمار. أما المرأة فلحديث عائشة الذي تقدم، وأما الحمار فلحديث ابن عباس الذي قبله، فالحديثان عارضا حديث أبي ذر. وأما الكلب فلم يتوقف فيه لأنه ليس له معارض. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن الثلاثة كلها تقطع الصلاة لحديث أبي ذر المذكور. وإلى قطع الثلاثة ذهب ابن حزم، واختاره الشيخ تقي الدين، وقال إنه مذهب الإمام أحمد. فإذا إنما خص الكلب الأسود بذلك دون سائر الكلاب لأنه شيطان، كما في الحديث قال أبو ذر: قلت يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر؟ فقال: الكلب الأسود شيطان. La divergence des savants. Les savants ont divergé sur est-ce que la femme, l'âne et le chien noir coupent la prière ou non. Les trois imams sont de l'avis que cela n'annule pas la prière. Et ils ont expliqué le hadith d'Abu Dar qui est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: coupe la prière de l'homme musulman lorsqu'il n'y a pas devant lui, entre parenthèses, un obstacle qui est à la hauteur d'un dossier, d'une selle, la femme, l'âne et le chien noir. Ils ont expliqué la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: yaqta'u, il coupe, c'est-à-dire qu'il diminue la prière. Il diminue la prière. Pourquoi? Car son cœur a été distrait par cette chose qui est passée devant lui. Cela diminue sa prière, mais ne l'annule pas. C'est l'avis de l'imam Malik al-Shafi'i et l'imam Abu Hanifa rahimahumullah. Quant à l'imam Ahmad, il y a à son sujet deux versions. La plus connue de son madhab est que n'annule la prière que le chien noir, al-bahim. Al-bahim, c'est-à-dire un chien noir qui est entièrement noir. Ce n'est pas noir mélangé avec une autre couleur, c'est un noir entièrement. Un chien noir entièrement. Et l'imam Ahmad, rahimahullah, a dit: et il y a dans mon cœur quelque chose vis-à-vis de la femme et de l'âne. Quant à la femme, c'est à cause du hadith de Aïcha radiallahu anha qui a été précédemment cité, dans lequel elle priait devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à l'âne, c'est à cause du hadith de Abdullah ibn Abbas qui a été cité précédemment, dans lequel il est passé devant les compagnons radiallahu anhum qui priaient derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était sur une Anes. Et il dit, et les deux hadiths contredisent le hadith d'Abu Dar, que l'on a cité précédemment, que coupe la prière de l'homme musulman lorsqu'il n'a pas devant lui un obstacle qui est à la taille d'un dossier, d'une selle, la femme, l'âne et le chien noir. Quant au chien, il ne s'est pas abstenu dessus, car il n'y a pas de hadith qui viendrait le contredire. Cela est la première version de l'imam Ahmed. Et la deuxième version de l'imam Ahmed est que les trois coupent, c'est-à-dire annulent la prière, et pour preuve le hadith d'Abu Dhar que l'on a cité précédemment. Et sont de l'avis de l'annulation de la prière, l'imam Ibn Hazm, et c'est l'avis choisi par Cheikh Taqiyuddin qui est Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, et il a dit, c'est-à-dire Cheikh al-Islam, et c'est le madhhab de l'imam Ahmad. Fa'ida, puis Cheikh al-Bassam donne une remarque, ou fait une remarque, que le chien noir a été précisé sans les autres chiens, car c'est un diable. Comme cela est rapporté dans le hadith d'Abu Dhar, où il a dit, ô envoyé d'Allah, et le hadith est rapporté par Muslim et autres, ô envoyé d'Allah, pourquoi, ou quelle est la différence entre le chien noir, le chien rouge et le chien jaune? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le chien noir est un diable. Le chien noir est un diable. Et Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, toujours dans Al-Sharh Al-Mumti', dans l'explication de Zad Al-Mustaqni', parle de ce sujet, à savoir est-ce que la femme, l'âne et le chien annulent la prière. طيب وهذا إن شاء الله قول الشيخ وهذا هو المشهور من المذهب أن الصلاة لا تبطل إلا بمرور الكلب الأسود البهيم فقط فلا تبطل بمرور غيره. الشيخ dit, notamment dans son explication de Zad al-Mustaqni', et c'est ce qui est connu du madhhab, c'est-à-dire le madhhab Hanbali, que la prière n'est annulée que lorsque passe un chien noir complètement, entièrement noir, et n'est pas annulé lorsqu'autre chose que ce chien noir passe. Et il dit, وَالْخُلَاصَةُ أَنَّ بُطْلَانَ الصَّلَى بِذَلِكَ لَهُ أَرْبَعَ شُرُوتٍ. Et l'on résume cela en disant que, selon le madhab Hanbali, que la prière est annulée lorsque quatre conditions sont réunies. Premièrement, le passage, deuxièmement, que ce qui passe soit un chien. Troisièmement, qu'il soit noir. Et quatrièmement, qu'il soit entièrement noir. فَإِنْ اِخْتَلَّ شَرْطٌ وَاحِدٌ فَلَا بُطْلَانٌ. Si une des conditions n'est pas respectée, alors la prière n'est pas annulée. Quant à la femme, وَأَمَّا الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ فَلَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ فلا تبطل الصلاة بمرورها على ما أفاد كلام المؤلف وهو المذهب. Quant à la femme et l'âne, elle n'annule pas la prière lorsqu'elle passe devant les prières. C'est ce que l'on comprend de la parole de l'auteur en parlant du livre Zad al-Mustaqni', et c'est le madhhab. والدليل على أن الكلب الأسود يبطل الصلاة حديث أبي ذر. Et ensuite, le cheikh cite le hadith d'Abu Dhar que l'on a cité précédemment, et la preuve que le chien noir annule la prière est le hadith d'Abu Dhar. وَقَوْلُهُ يَقْطَعْ أَيْ يُبْطِي لِأَنَّ قَطْعَ الشَّيْءِ فَصْلُ بَعْضِهِ عَنْ بَعْضِ وَتَقُولُ قَطَعْتُ السِّلْكِ أَيْ فَصَّلْتُ بَعْضَهُ عَنْ بَعْضِ. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, يَقْطَعُ, c'est-à-dire coupe, c'est-à-dire annule, car lorsqu'on coupe une chose, on la sépare. Tu dis, j'ai coupé le fil, c'est-à-dire, j'ai séparé une partie d'une autre. فَإِذَا مَرَّ مَنْ يَقْطَعُ الصَّلَىٰ لَنْ يُمْكِنُ أَنْ يَبْنِي آخِرَهَا عَلَىٰ أَوَّلِهَا فَهَذَا هُوَ الدَّلِيلُ. Ainsi, si passe devant le prieur quelque chose qui coupe la prière, alors le prieur ne pourra pas joindre le début de la prière à la fin. Vous avez vu le fiqh des ulama? Que couper, c'est séparer une chose en deux. Ainsi, si tu sépares ta prière en deux, tu ne peux pas relier le début à la fin. Donc, elle est incomplète, donc annulée. وهذا الدليل يقتضي أن الذي يقطع الصلاة ثلاثة وليس الكلب الأسود البهيم فقط لكنهم قالوا إن هذا مخصص بأدلة تخرج الحمار وتخرج المرأة. الشيخ العثيمين دي مي دون سو حديث الحديث أبو ذر البروفيسور عشان ما سيتي كوا l'âne, la femme et la femme, l'âne et le chien noir. Et Cheikh Al-Uthaymin dit, et ce hadith parle et stipule que ce qui âne, ce qui coupe la prière sont trois, et non pas le chien noir entièrement, uniquement. Mais ils ont dit qu'il y a des hadiths qui viennent restreindre et qui viennent sortir l'âne et la femme. أما الحمار فخصصوه بحديث ابن عباس حين جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى فمر بين يدي بعض الصف وهو راكب على حمار أتان وأرسل الحمار ترتع ولم ينكر عليه أحد. قالوا فهذا ناسخ لحديث عبد الله بن مغفل وبهريرة لأنه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا نظر من وجهين. Quant à exclure l'âne, ils l'ont exclu en utilisant le hadith de Abdullah ibn Abbas, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a présidé la prière des gens à Mina, et que Abdullah ibn Abbas est passé devant certains rangs alors qu'il était sur son ânesse. Puis, il a envoyé l'ânesse paître et personne ne lui a fait de reproche. Ils ont dit que cela abroge le hadith de Abdullah ibn Mughaffal et Abi Huraira, car cela a eu lieu vers la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On avait dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait le pèlerinage de l'adieu combien de temps à peu près avant sa mort? 80 jours. Et Cheikh Al-Uthaymin dit wa fi hada nadharun min wajhayn. Et il y a deux remarques à faire concernant l'utilisation de ce hadith. Awwalan an-naskhu huna ghayru tam ash-shurut لأنه لم يكن هذا الفعل في آخر لحظة من حياته صلى الله عليه وسلم إذ من الجائز أن يكون حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن مغفل وأبي ذر بعده بعد حجة الوداع ومن شروط النسخ أن نعلم تأخر الناسخ. Premièrement, de dire que le hadith de Abdullah ibn Abbas vient abroger les autres hadiths, notamment le hadith d'Abu Dhar, que de prétendre l'abrogation, cela, les conditions de l'abrogation n'ont pas été réunies. Car cela ne fait pas partie des derniers actes qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les derniers instants de sa vie. Il est donc possible que le hadith d'Abu Huraira, d'Abdullah ibn Mughaffal et d'Abu Dhar, qui stipule clairement la femme, l'âne et le chien, et pu avoir lieu après le pèlerinage d'adieu. Et parmi les conditions de l'abrogation, c'est de savoir et de connaître, d'avoir la science que le hadith abrogeant a eu lieu après l'abrogé. Vous avez compris ou pas? Ici, dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas, on sait qu'il a eu lieu pendant le pèlerinage d'adieu, c'est-à-dire vers la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce qu'on sait qu'il a eu lieu avant les autres? Non. Et pour prétendre qu'un hadith abroge l'autre, il faut pouvoir prouver que le dernier hadith a été dit ou a été fait après le premier. ثانياً أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يقل إنه مر بين يدي رسول الله بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم بل بين يدي بعض الصف ونحن نقول بوجوب ذلك أي أن المأموم لا يقطع صلاته شيء لا الكلب ولا غيره لأن سترة الإمام سترة المأموم سترة له. Deuxième réponse à donner est que Abdullah ibn Abbas n'a pas dit qu'il est passé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'il est passé devant certains rangs. Et nous disons de l'obligation de cela, c'est-à-dire que celui qui prie derrière l'imam n'annule pas sa prière, que ce soit un chien ou autre, car la sutra de l'imam est la sutra du مأموم دي بخيار. وأما المرأة فقالوا عندنا دليلان على أن المرأة لا تقطع الصلاة. Donc le Cheikh Al-Uthaymin a répondu aux preuves citées pour exclure l'âne. Puis il dit, rahimahullah, et quant à la femme, ils ont dit, nous avons deux preuves que la femme, lorsqu'elle passe devant un prieur, elle annule sa prière, elle n'annule pas sa prière. الدليل الأول حديث عائشة رضي الله عنها لما قيل لها إن المرأة تقطع الصلاة فغضبت وقالت أتشبهتمون بالحمير والكلاب لقد كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم معترضة وهو يصلي بالليل فلو كان تقطع صلاته ما استمر في صلاته. La première preuve est le hadith de Aïcha radiallahu anha, lorsqu'il lui a été dit que la femme annulait la prière, lorsqu'elle passait devant un homme, elle s'est énervée et a dit, vous nous faites ressembler aux ânes et aux chiens, je dormais devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, allongé devant lui, et alors qu'il priait la nuit. Si, et j'utilisais cette preuve et en disant, et si cela annulait la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas continué sa prière. Et Cheikh Al-Uthaymeen dit, wal jawab, anna hadha al-hadith laysa fihi dalil, lianna hadha laysa bimurur, wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, fala yad'u ahadan yamur, wal farqu bayna al-murur wal idtija', wa farqun bayna al-murur wal idtija'. ونحن نوافقكم على أن المرأة لو اضطجعت بين يدي المصلي لم تقطع صلاته. Et la réponse est que dans ce hadith de Aïcha, il n'y a pas une preuve, car ce n'est pas un passage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne laisse personne passer. Et il y a une différence entre le passage et le fait de s'allonger. Et nous sommes d'accord avec vous que la femme qui s'allonge devant le prieur n'annule pas sa prière. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيت أم سلمة فجاء عبد الله بن أبي سلمة أو عمر بن أبي سلمة يريد أن يتجاوز بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فمنعه فجاءت زينب بنت أبي سلمة وهي طفلة صغيرة فمنعها فلم تمتنع وعربت فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال هن أغلب ولم يستأنف صلاته. Et la deuxième preuve que cite qui? Que cite qui? Que cite ceux qui disent que la femme, lorsqu'elle passe devant un prieur, n'annule pas sa prière. Vous suivez ou pas le raisonnement? Taïb. La première preuve qu'ils ont citée est que le Aïcha radiallahu anha a dormi devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant sa prière. Et le Cheikh a répondu qu'il y a une différence entre passer et s'allonger. Le deuxième hadith cité est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait dans la maison de Umm Salamah. Et Abdullah ibn Abi Salamah ou Umar ibn Abi Salamah voulait passer devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a empêché. Puis Zainab bint Abi Salama, qui était une petite fille, a voulu passer également, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a empêchée, mais elle a insisté et est passée. Puis, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé sa prière, il a dit, « Hunna aghlab, elles sont plus fortes. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas refait sa prière. Donc ils ont dit, ceci est une preuve que la femme qui passe devant la prière n'annule pas sa prière. Quelle est la réponse de Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah? Wa yujabu an hadha bi jawabayn. Et nous répondons à cela par deux réponses. Ahaduhuma anna hadha al-hadith da'if, wa al-da'if la taqumu bihi hujjah. Premièrement, que ce hadith est faible, et le hadith faible n'est pas une preuve. Wa al-thani anna al-bint al-saghira, wa al-rasul sallallahu alayhi wa sallam qal anna al-bint saghira. والرسول صلى الله عليه وسلم قال المرأة والمرأة هي الكبيرة البالغة ونحن نوافقكم على أن الصغيرة لا تقطع الصلاة. Deuxièmement, que cette fille était petite. Et le prophète صلى الله عليه وسلم, en parlant de la femme, en parlant de celle qui coupe la prière, il a dit المرأة, la femme, c'est-à-dire celle qui est grande et qui a atteint l'âge de la puberté. Et nous sommes d'accord avec vous que la petite fille qui passe devant le prieur n'annule pas sa prière. وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن الصلاة تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مقاوم لهذا الحديث يعارضه حتى نقول إنه منسوخ أو مخصوص بل تبطل الصلاة ويجب أن يستأنفها ولا يجوز أن يستمر حتى ولو كانت الصلاة نفلا لأنه لو استمر لاستمر في عبادة فاسدة والاستمرار في العبادات الفاسدة محرم ونوع من الاستهزاء بالله عز وجل إذ كيف يتقرب إلى الله بما لا يرضاه. في الشيخ العثيمين رحمه الله conclut en disant ainsi l'avis le plus fort dans ce sujet est que la prière est annulée lorsqu'une femme ou un chien ou un chien noir ou un âne passe devant. Ceci, car ceci a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et rien ne vient contredire ce hadith pour que l'on puisse dire que ce hadith a été abrogé ou qu'il a été spécifié. Au contraire, la prière est annulée et il est obligatoire de la recommencer et il est interdit de la continuer. Il est interdit de continuer une prière qui a été coupée par un âne, par un chien ou par une femme. Et ceci même si la prière est une prière surérogatoire, car de continuer une adoration nulle, ceci est interdit. Et c'est une sorte de moquerie vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car comment se rapprocher d'Allah en faisant une chose qu'il n'accepte pas? Est-ce que c'est clair ou pas? Taïb. Namar. Ouais, il y a une différence entre passer si elle est devant, il n'y a pas de souci. C'est pour ça qu'il dit que la prière de celui qui prie et sa femme elle est allongée devant lui, cela n'annule pas la prière. Par exemple, le haram elle est devant et il a prié. Par exemple, au masjid le haram, si la femme elle est devant toi, il a prié. Déjà, un homme ne doit pas prier derrière une femme. Et ça, on dit que c'est interdit. À coup de hal, s'il l'a fait, cela n'annule pas la prière car elle n'est pas passée. D'accord ? Elle n'est pas passée devant lui. Elle a prié, elle est restée à son endroit, et en aucun cas, elle n'a fait de passage devant lui pendant sa prière. Donc sa prière n'est pas annulée. Mais par contre, il a fait un interdit de prier derrière une femme. On ne prie pas derrière une femme. Pour les raisons que vous connaissez. طيب. باب جامع. ذكر المؤلف في هذا الباب أنواعا من أعمال الصلاة فرأيت أن أجعل كل نوع تحت باب يبين مقصودها ويشير إلى المعنى المراد منها ولذا فإني قدمت حديث أنس في السجود على الثوب من الحر ليكون مع حديث أبي هريرة إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة لتناسبهما مع المؤلف مع أن المؤلف فصل بينهما بحديثين غير مناسبين لهما. في الشيخ ouvre le chapitre général Babun Jami'. Il dit rahimahullah Cheikh Al-Bassam que l'auteur a cité dans ce chapitre général plusieurs actes de la prière et j'ai décidé de faire un chapitre pour chacun de ces hadiths afin de montrer le but de celui-ci et d'en expliquer le sens. Ainsi, j'ai avancé le hadith de Anas sur le fait de se prosterner sur un vêtement en temps de grande chaleur afin qu'il soit associé au hadith d'Abu Huraira lorsque la chaleur est forte, attendez que le temps se rafraîchisse pour prier. J'ai rassemblé ces deux hadiths car ils coïncident alors que l'auteur les a séparés de deux hadiths qui ne correspondaient pas. Donc ici, dans Umdat al-Ahkam, il y a Babun Jami' dans lequel l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi a cité plusieurs hadiths sur les actes de la prière. Et Cheikh al-Bassam a rajouté des chapitres pour justement expliquer le sens du hadith et le but de celui-ci. Et il explique également qu'il a avancé le hadith de Anas, dans lequel il priait sur un vêtement en temps de grande chaleur, pour le mettre juste après le hadith d'Abu Huraira, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque le temps est chaud, attendez qu'il se rafraîchisse pour prier. » Car il y a un rapprochement au niveau de ces deux hadiths. Babu tahiyyati al-masjid. Le chapitre du salut de la mosquée. Donc ce bab, qui l'a écrit? Qui l'a dit? Est-ce que c'est l'auteur ou l'explicateur? L'explicateur. الشيخ البسام الحديث السابع بعد المئة عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين رواه البخاري ومسلم الحديث 107 selon أبو قتادة Al-Harith ibn Rib'i al-Ansari, qu'Allah l'agréé, a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous entre à la mosquée, qu'il ne s'assied pas jusqu'à avoir prié deux unités de prière. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Al-Ma'na al-Ijmali. Dakhala Sulaykun al-Ghatafani. المسجد النبوي يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ويأتي بركعتين ثم أخبره أن للمساجد حرمة وتقديرا فإن لها على داخلها تحية وهي أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين ولذا فإنه لم يعذر ولا هذا الذي جلس لسماع خطبة الجمعة من لسانه صلى الله عليه وسلم. Le sens général du hadith. Sulayk al-Ghatafani رضي الله عنه est entré dans la mosquée du prophète صلى الله عليه وسلم le jour du vendredi. Cela n'est pas cité dans ce hadith, mais il est cité dans d'autres hadiths. Sulayk, radiyallahu anhu, est rentré dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du vendredi, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de faire son discours. Puis s'est assis. Sulayk, radiyallahu anhu, s'est assis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors ordonné de se lever et d'accomplir deux unités de prière. Puis lui a informé que les mosquées ont un respect et une valeur, et que celui qui entre dans ces mosquées doit les saluer. وَهِيَا أَنْ لَا يَجْلِسَ حَتَّى يُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ Comment saluer? Eh bien, c'est en ne s'asseyant pas jusqu'à avoir accompli deux unités de prière. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas excusé. Il ne l'a pas excusé de s'être assis sans avoir accompli deux unités de prière. Alors que, et n'est pas excusé même celui qui s'assoit pour écouter une khutbah de la langue de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même lui, il n'est pas excusé. Ikhtilaf ul-ulama. اختلف العلماء في جواز فعل الصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد أو صلاة الكسوف والجنازة وقضاء الفائتة في أوقات النهي فذهبت الحنفية والمالكية والحنابلة إلى المنع من ذلك لأحاديث النهي كحديث لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس وحديث ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن. La divergence des savants. Les savants ont divergé sur l'autorisation de faire des prières qui ont des causes, comme les prières du salut de la mosquée, comme la prière de l'éclipse, la prière funéraire, rattraper des prières manquées. Et ici, on parle des prières manquées qui sont surérogatoires et non pas obligatoires, car les prières obligatoires, on les prie, qui ont été délaissées ou qui ont été oubliées, doivent être priées lorsque la personne s'en rappelle ou lorsqu'elle se réveille, quelle que soit l'heure. Mais là, lorsque le cheikh dit également les prières rattrapées, il parle ici des prières surérogatoires. Hamukallah. Ceci pendant les heures interdites. Est-ce qu'il est autorisé de faire ces prières pendant les heures interdites? Al-Hanafiyya, al-Malikiyya et al-Hanabila sont de l'avis qu'il n'est pas autorisé de faire ces prières, car il y a des hadiths qui viennent interdire, comme le hadith « point de prière après la prière de Subh jusqu'à ce que se lève le soleil » et « point de prière après Al-Asr jusqu'à ce que se couche le soleil ». Et dans l'autre hadith, rapporté par le Bukhari et Muslim, le second, 3 heures, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdisait de prier pendant celle-ci. وذهب الإمام الشافعي وطائفة من العلماء إلى جواز ذلك بلا كراهية وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مستدلين بهذا الحديث الذي معنا وأمثاله كحديث من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره وحديث إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا وكل من أدلة الطرفين عام من وجه وخاص من وجه آخر إلا أن في إباحة الصلوات ذوات الأسباب في هذه الأوقات إعمالا للأدلة كلها ويحمل كل منهما على محمل وإن في تلك الإباحة تكثيرا للعبادة التي لها سند قوي من الشرع. Et l'avis de l'imam Shafi'i, rahimahullah, et d'une partie des savants, est l'autorisation de faire ces prières pendant les heures, même pendant ces heures interdites. Et cela est autorisé sans caractère détestable. Et c'est également une version de l'imam Ahmed qu'a choisi Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et ils ont pour preuve le hadith que l'on explique actuellement, où le professeur Hassan a dit que lorsque l'on rentre à la mosquée, on ne s'assied pas avant d'avoir accompli 2 unités de prière. Et d'autres hadiths similaires, comme le hadith, celui qui dort pendant le witr, sur son witr, ou qui l'oublie, alors qu'il le prie au moment où il s'en rappelle. Et on comprend de ce hadith qu'il le prie au moment où il s'en rappelle, quel que soit ce moment-là. Et le hadith, le soleil et la lune sont 2 signes d'Allah. Sont 2 signes parmi les signes d'Allah. Lorsque vous les voyez, priez. Dans quel cadre le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela? Dans la prière de l'éclipse. Que lorsque il y a une éclipse solaire ou une éclipse lunaire, eh bien, lorsque vous les voyez, priez. C'est-à-dire, priez-les, quel que soit le moment où vous constatez cette éclipse. Et Cheikh al-Bassam dit, « وَكُلُّ مِنْ أَدِلَةِ الطَّرَفَيْنَ عَامٌ مِنْ وَجْنَمْ » Et les preuves des 2 parties sont générales d'un point de vue et précises d'un autre point de vue. Sauf que, dans l'autorisation, dans le fait d'autoriser les prières qui ont une cause, eh bien, en faisant cela, on applique l'ensemble des hadiths. Et on donne à chaque hadith un sens et une explication. Et également, dans l'autorisation de faire les prières qui ont une cause, quel que soit le moment de la journée, il y a dans cela l'autorisation, il y a dans cela le fait de multiplier et d'encourager à faire beaucoup d'invocation, beaucoup d'adoration, et ceci a une source forte dans la religion. وقد تقدم هذا الخلاف في حديث ابن عباس رضي الله عنه ولكننا نزيده هنا وضوحا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقد ذكر أنه كان متوقفا في الصلوات ذوات الأسباب لبعض الأدلة التي احتج بها المانعون وبعد البحث وجد أنها إما ضعيفة أو غير دالة كقوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فإنه عام لا خصوص فيه وأحاديث النهي كلها مخصوصة فوجب تقديم العام الذي لا خصوص فيه لأنه حجة باتفاق السلف وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة تحية المسجد للداخل عند الخطبة وأما حديث ابن عمر في الصحيحين لا تتحروا لصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فهذا إنما يكون في التطوع المطلق وقد ثبت جواز بعض ذوات الأسباب بالنص كركعتي الطواف والصلاة المعادة مع إمام الحي وبعضها بالنص والإجماع كالجنازة بعد العصر وإذا نظر في مقتضى الجواز لم توجد له علة إلا كون الصلاة ذات سبب وقد استقر الشرع على أن الصلاة تفعل حسب الإمكان عند خشية فوات الوقت وإن أمكن فعلها بعد الوقت على وجه الكمال وكذلك صلوات التطوع ذوات الأسباب. Et Cheikh Bassam, rahimahullah, dit, et nous avons parlé déjà de ce khilaf lors de l'explication du hadith numéro 52, le hadith d'Abdullah ibn Abbas. Quel est ce hadith? La salata ba'da al-asri hatta, ba'da al-fajri hatta tatlu' al-shams. Voilà, بعد العصر حتى تغيب الشمس. Ce hadith, on l'a déjà expliqué. Et Cheikh Al-Bassam, rahimahullah, avait entre autres parlé de cette divergence, à savoir, est-ce qu'il est autorisé de faire des prières qui ont une cause pendant les heures interdites. Et il dit, rahimahullah, mais ici nous allons donner plus d'explications en citant la parole de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Qui dit qu'il s'était abstenu de donner un jugement sur les prières qui ont une cause. Et les prières qui ont une cause, vous savez tous de quoi on fait, à quoi on fait référence. La prière, les deux unités de prière lorsqu'on rentre à la mosquée, la prière du mort, on l'a fait pourquoi? Parce qu'il y a une cause qui est la mort d'un tel. Par exemple, les deux unités de prière que l'on fait après, les ablutions, on les fait parce qu'on a fait les ablutions. Donc, c'est ce que l'on veut dire par les prières qui ont une cause. Et Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, s'était abstenu de donner un avis sur ces prières, et ceci de par les preuves qu'apportaient les autres, ceux qui interdisaient ces prières. Puis, après une recherche, il a trouvé, rahimahullah ta'ala, que les preuves de ceux qui interdisent, soit elles sont faibles, ou soit elles ne sont pas une preuve en soi. Comme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un d'entre vous entre à la mosquée, qu'il ne s'assied pas jusqu'à avoir accompli deux unités de prière. Ici, c'est un hadith qui est général et qui n'est pas restreint. Quant aux hadiths qui interdisent, ils sont tous restreints. Ça veut dire quoi? Ici, le professeur Hassan m'a dit, lorsque l'un d'entre vous entre à la mosquée, qu'il ne s'assied pas avant d'avoir accompli deux unités de prière. Est-ce que le professeur Hassan a restreint cela à un temps bien précis? Non. Quant aux hadiths qui interdisent, ils sont tous restreints, c'est-à-dire en termes de temps. Comme le hadith que l'on a vu précédemment, point de prière après l'As jusqu'à ce que le soleil se couche et point de prière après le Fajr jusqu'à ce que le soleil se lève. Donc ici c'est une interdiction mais qui est restreinte. Pareil, 3 heures, le professeur Hassan nous avait interdit de prier pendant celle-ci. Ici c'est une interdiction qui est restreinte. D'accord ? Or, le hadith de Tahiyyat al-Masjid n'est pas restreint dans le temps. Et il dit, rahimahullah, que nous devons précéder le hadith qui est général, qui n'a pas été restreint. Et ceci est une preuve bittifaq al-salaf, à l'unanimité des salafs. Et quant au hadith, ne faites pas vos prières au moment où le soleil se lève, ni au moment où il se couche. Ici, cela concerne les prières qui sont purement surérogatoires, non pas celles qui ont une cause. Et c'est ainsi, en faisant cela, que l'on rassemble tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on ne rejette aucun d'entre eux. Ma yukhadhu min al-hadith. Ce que l'on retient du hadith. أولا المشروعية تحية المسجد لداخله وذهب إلى وجوبها الظاهرية لظاهر هذا الحديث والجمهور ذهبوا إلى استحبابها. Premièrement, qu'il est légiféré pour celui qui entre à la mosquée d'accomplir deux unités de prière et la considère obligatoire à الظاهرية en prenant le sens apparent du hadith. Et la majorité des savants sont de l'avis qu'elle est préférable. Thaniyan, innaha mashru'a li dakhil al-masjid fi kulli waqt, walau kana waqt an-nahy li'umum al-hadith, wa qad taqaddama al-khilaf fiha wa fi ghayriha min dhawat al-asbab. Deuxièmement, on retient de ce hadith qu'il est légiféré à celui qui entre à la mosquée d'accomplir ces deux unités de prière à n'importe quel moment, même pendant les moments où la prière est interdite. Et ceci, en prenant le sens général du hadith, et l'on a vu précédemment la divergence des savants à ce sujet. Thalithan, istihbabu al-wudu'i li dakhil al-masjid. لألا تفوته هذه الصلاة المأمور بها لألا تفوته هذه الصلاة المأمور بها. Troisièmement, qu'il est préférable d'avoir les ablutions lorsque l'on entre à la mosquée afin que l'on ne rate pas cette prière qui nous a été ordonnée. En parlant de quelle prière? Tahiyyat al-Masjid. رابعا قيد العلماء المسجد الحرام بأن تحيته الطواف لكن من لم يرد الطواف أو يشق عليه فلا ينبغي أن يدع الصلاة بل يصلي ركعتين. Les savants ont restreint la mosquée sacrée de la Mecque en disant que son salut c'est le tawaf. Mais celui qui ne veut pas faire le tawaf ou pour qui le tawaf est difficile, alors il ne lui est pas permis de délaisser cette prière, de délaisser la prière, mais il doit accomplir deux unités de prière. On اكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.